Once there was a baby, and the baby wanted to be king. J'ai réalisé hier soir qu'avec son goût pour la drogue et le sexe, sans parler de son statut de Yeti du jugement dernier, Elvis est la réponse à la question « Qui a tué Laura Palmer ?» Grail Marcus, Dead Elvis. Because kings were good, and kings were strong, and kings were the best of everything. Would you like to be a king? I would. You would, huh? Mm-hmm. Well, he worked and he worked and he worked so hard to be a king. Fonction Elvis de Laure Limongi. Adaptation Cécile Baquès. Une création vocale orchestrée par Mathieu Boer. Il était une fois, le 8 janvier 1935 à Tupelo, États-Unis. Vernon Presley attend que sa femme, Gladys, mette au monde leur enfant. Les temps sont durs et l'accouchement a lieu dans leur bicoque du quartier Est. Dans le petit matin clair, limpide, misérable, les planches de bois laissent passer, le jour, quelques insectes, de quoi respirer en courant d'air, une vie d'interstice. Les fenêtres sont souvent closes. À 4 heures du matin, naît un enfant mort-né qui aurait dû s'appeler Jesse Garon. Le texte dit « Le drame d'un ange errant parmi les limbes, perdu, lassé, malgré lui. » On commence à se lamenter. On pose des questions à Dieu, à la vie. On demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Le texte dit « Rebondissement. » Le médecin de campagne appelé fait remarquer qu'il y a un second bébé. Les contes de fées ont des hoquets, parfois. Le jour pointe. La délivrance, enfin. L'enfant s'appelle Elvis Aaron, en écho strict. Il crie, il respire, il vit. Il était une fois Elvis Aaron Presley. Oh! Gladys était sûre d'être enceinte de jumeaux. Elle en avait la prémonition. La conviction intime, malgré le scepticisme de son entourage. Gladys et ses lubies. Sa chair. Toujours des idées, des histoires. Elle se plaisait à le répéter. Les contes de fées ont des hoquets. Elvis crie, il vit. 4h30, dans le petit matin clair. Les fenêtres sont closes, mais le jour passe. Des insectes, un peu d'air. L'hiver est doux, nous sommes dans le sud. Vernon observe la scène, bras croisés, spectateur intemporel des mythes. Gladys se plaît à répéter et berce. Morning Dove White, l'arrière-grand-mère de Gladys Love Smith, épouse Presley, était 100% Cherokee. Blanche colombe de l'aube. Morning Star. Les prémices de l'Amérique. Ses habitants, des flèches, des plumes, des nattes, des franges, des chevaux, des tatouages, des totems, des courses-poursuites. Le tout en technicolore. L'histoire du cinéma se confond avec celle du western. L'immensité d'espaces infinis à conquérir. L'histoire de l'Amérique se confond avec celle de ses guerres. Pigments bigarrés, fragments d'artillerie, le fracas des canons, l'odeur de la poudre. Des immigrants et des rencontres, des descendants, métis, vers l'ouest, le sud des esclaves, toujours en élan. Morning Dove White, indienne Cherokee, connaissait les mythes et histoires de ses aïeux, des contes ancestraux dont la puissance n'avait pas tout à fait été écrasée sous la botte des nouveaux arrivants. La vie, l'amour, la mort. La force magistrale de la nature. L'humilité, la fraternité, l'échange. Valeur sublime, en deçà et au-delà de tout. Régissant chaque mouvement, chaque intention. Ainsi, Morning Dove White raconta-t-elle un jour à ses enfants l'histoire des doubles qui ne le furent jamais. Ils auraient dû être deux, identique. La bénédiction du ciel et de la terre. Chaque trait rigoureusement reproduit comme le reflet au plus clair d'un courant serein. Le regard perçant de l'aigle, l'agilité et la grâce du puma, la force du bison, l'intelligence du cheval, de deux frères se tenant par la main. Mais les eaux furent jalouses. Lac, étang, rivière. Elles seules voulaient conserver le pouvoir de refléter les êtres. Et tandis que la mer se baignait, la malédiction s'opéra. Quand fut venu le temps de l'accouchement des deux bébés, il n'en restait qu'un seul. L'autre, sans vie, n'était plus qu'une enveloppe vide. Les eaux avaient transféré son reflet à l'intérieur même de son frère, de sorte que celui-ci se voyait privé non seulement de son image, mais de la possibilité de se voir vraiment, à jamais. Et les enfants de Morning Dove White, à leur tour, le racontèrent à leurs enfants, qui le racontèrent à leurs enfants. Veillée sombre, peur enfantine, ululement fantasmé, prédiction. L'histoire répétée devenait de plus en plus terrifiante et proche. On craignait l'enfantement, la malédiction. Les mères tremblaient jusqu'au jour de l'accouchement, remerciaient les dieux, puis Dieu, de ne pas être l'héroïne tragique de ce conte cruel. Jusqu'au jour où Gladys sentit qu'elle était enceinte de jumeaux. Maman était constamment derrière moi à me surveiller. La moue boudeuse d'éternel enfant et l'obéissance. Je ne pouvais jamais aller jouer avec les autres gosses. S'il m'arrivait de me défiler en douce, au retour, elle me collait une volée avec une lanière de cuir. Jesse Garon Presley est mort-né dans le petit matin clair. Ils auraient dû être plus que des jumeaux, des reflets. Écho strict. Une bénédiction. Sa personnalité s'est transférée sur la tienne, fondue avec la tienne. Transfert des âmes. Jesse Garon. Elvis Aaron. Plus qu'une rime, une mélodie, inflexion pour inflexion. Et si Caïn et Abel ne faisaient qu'un, le vertige et la culpabilité dans la même chair, le même sang, la réincarnation. N'aurais-tu pas été trop impatient ? Je voulais voir le jour. Il est un ange dans le ciel. Je ne le connais pas. Sa voix... Je l'ai toujours connue. Sa voix te parle pour toujours. Écoute-la. Suivre la loi et le chemin. Vernon est dévoué, effacé, absent. Aime la chasse, parcourir la campagne, rapporter du gibier. Le quotidien est si maigre, régulier. Vernon l'effacé souhaite des moments de complicité avec son fils. Il parle peu, mais entre hommes. Passage, transmission, héritage. C'est dans l'ordre des choses. Vernon souhaite des échanges, des apprentissages, au fusil. Non, papa. Tu ne voudrais pas que je tue de pauvres oiseaux innocents. Gladys préfère des occupations plus calmes. Pas de sport pour Elvis. Les enfants sont des sauvages. Un accident est si vite arrivé. Le silence têtu de Jesse résonne comme un mauvais souvenir. Gladys prend son fils dans ses bras. Tant d'échos. Elle lui offre un oiseau. En cage, il écoute son chant. Le rythme des jours. De l'autre côté de la vitre, les enfants dévalent la rue. Billes, jeux de ballon, course-poursuite, clan, goûter d'anniversaire, disputes, farces, éclats de rire. Elvis, derrière l'écran de sa fenêtre, n'est qu'un regard mobile, une volonté. À l'église, le gospel résonne, le vertige du sacré illumine, noir, Il est l'apaisement, toujours. L'étouffement, euphorique, électrique. Les cœurs balancent comme une houle. Galvanise, résonne. L'amour, l'espérance, la foi. En envolée vibrante. Et n'être que don, charité. Le vertige du sacré bouleverse. Une passion permise, encouragée. La gueule d'ange d'Elvis. Presley, lèvres de velours. Le regard toujours un peu perdu. Les horaires sont stricts. Il faut rentrer. Toujours rentrer. J'en étais arrivé à penser qu'elle ne m'aimait pas. Gladys a toujours peur des accidents, du drame potentiel. L'irrémédiable porte un nom. Jesse Garon Presley. Souvent, Elvis imagine le corps mort de son frère à la naissance, identique au sien, vivant. La différence d'un battement de cœur, d'un souffle, le silence de son frère mort à la naissance. Un corps inerte aux traits rigoureusement identiques au sien, en écho. Peut-être la peau déjà violacée, marbrée. Peut-être n'est-ce pas le bon qui est resté. L'euphorie et l'angoisse. Jesse Garon. Elvis Aaron. Peut-être l'un des deux s'est-il substitué à l'autre, mais dans quel sens? La vie. La mort. Un sacrifice. Un crime. Pour les 11 ans d'Elvis, la bicyclette prévue est remplacée par une guitare. On ne tombe pas d'une guitare. En réponse, il déclare à sa mère vouloir lui acheter une Cadillac rose bonbon quand il sera grand. Et une maison pas en bois, mais en... frais dur. Et il chantera bien mieux que le rossignol dans sa cage dorée. Elvis veut le risque et le trop. Sans le savoir encore. Creuset de désir dans un corps contraint. Juste un regard derrière une vitre, dans une cage misérable. Memphis était la capitale de l'ancienne Égypte, celle des pyramides, des pharaons. Les dieux y sont venus au monde au bord du Nil. La cité des rois, rayonnante. 3000 ans plus tard, des colons s'installaient sur les rives du Mississippi, chassaient ses habitants et créaient la ville de Memphis. Car ils voyaient le Mississippi comme le Nil américain, fleuve grandiose, démesuré, avec ses crues industrielles, son blues, limon fertile. Un miroir reflétant leur destinée. La Memphis américaine devait ainsi devenir, en son temps, une autre cité des kings, au singulier cette fois. YDIA, la première station de radio noire du Sud, est lancée en 1948. Une révolution dans ce monde blanc monochrome. Toujours le gospel. My Happiness est une mélodie populaire. Les aventures de Captain Marvel Jr. occupent Elvis. Elles mettent à distance l'irrémédiable, celui d'une vie modeste, et le souvenir des morts. Petit boulot, c'est un gentil garçon. Il chantonne et a beaucoup de succès auprès des filles. Presley, lèvres de velours. Gueule d'ange, le bon Dieu sans confession et l'amour ravageuse. Il chante, des airs connus. Des balades romantiques. Les filles se pâment, pommettes qui rougissent et soquettes blanches, souliers vernis. L'homme idéal est un gentil garçon, mais un gentil garçon n'est pas l'homme idéal. L'amant a la voix chaude. Elvis pousse la porte de chez Sun, un studio d'enregistrement. Pour offrir un disque à sa mère. C'est son anniversaire, dit-il. Mais ce n'est pas son anniversaire. Elvis entre enregistrer un disque pour quelques dollars, discrètement. La secrétaire remarque ses longs cils, sa courtoisie. Elle note Il dit madame. Il dit monsieur. Referme la porte doucement. Il faudra un blanc capable de chanter comme un noir, pense Sam Phillips. Il cherche. Ce serait le jackpot, ajoute Sam Phillips, mâchonnant son cigare. La bicyclette, c'était trop dangereux. Gladys avait préféré la guitare pour ses 11 ans. Il ne la quittait plus. On ne se tue pas avec une guitare. YDIA, la première station de radio noire du Sud, est lancée en 1948. C'est une révolution. Blanc, noir, noir, blanc. Le mélange n'est pas d'actualité. La ségrégation écartèle les villes de divisions absurdes. Violence. Chaque pas a sa couleur. Chaque trajet son origine, davantage que son but. Et la musique noire envoûte. Résonne comme une drogue, un appel interdit. Le vertige sacré du gospel, le blues fascinant, magnétique de la rue. Les Noirs n'ont pas le droit d'émettre leur musique sur des radios blanches. Les Noirs ne peuvent pas faire connaître leur musique ailleurs que dans leur ghetto. Il faudrait un blanc capable de chanter comme un noir. Diffuser cette musique, voix blanche. Just as long as I'm with you, my happiness. Elvis apparaît, monte sur scène. C'est un électrochoc. Elvis est un cyclone. Elvis est un harcèlement. Un incendie. Blanc, avec une voix de noir. Une chimère, un scandale. Il maîtrise les émotions, les éléments. Le feu marche avec lui. Toute une époque de chanteurs gominés est rendue obsolète, ternie, en un seul instant. La cruauté de la gloire. Acclamé un jour, compassé le lendemain. Du sublime au ridicule. Choc générationnel. Et puis le look de ce garçon. Silhouette immédiatement reconnaissable. Étincelant. Coiffure démente. Plastique comme un bloc de vinyle fondu. Déchaîné ensuite. Tressautant au rythme des soubresauts d'Elvis. Une houle incandescente. Quand Sam a prononcé pour la première fois ce nom, Elvis Presley. J'ai cru qu'il faisait référence à un nouveau héros de science-fiction. C'est l'époque des super-héros. Dit Scotty Moore, guitariste. Ceux qui font advenir le merveilleux dans la vraie vie, chassent l'accident, l'irrémédiable. Elvis ramasse du coton dans les champs. Sa famille est si pauvre. Fils unique et espoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Ce n'est ni blanc, ni noir, ni blues, ni pop, ni country. Et ses costumes de scène, maquillage, cheveux d'un noir de bande dessinée, Black Superman, un électrochoc. Ici, on ne joue pas de la musique de nègre. Mais elle déferle déjà. Elvis Aaron Presley. Descendant de Morning Dove White. La colombe blanche à l'aube d'une nouvelle Amérique. Morning Star. Syncrétisme versus ségrégation. Tout son sang coule en lui. Son frère lui parle pour l'encourager. Dans le petit matin clair. Tout doucement. Jesse. Elvis. Quel est le blanc? Quel est le noir? Le bon? Le méchant. Le loup? La colombe. La superposition des visages. Et dans l'écart infime, une vibration angoissée. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de frontière opaque, ni de sens de l'histoire. Les deux rois naissent, un seul survit. Crime ou sacrifice? Suicide ou fratricide? Souvent, Elvis imagine le corps mort de son frère à la naissance, fœtus inerte, strict reflet de ses traits, immobile. Dans le miroir des loges, à l'issue des concerts. Où est le masque ? Où est la chair ? Lorsqu'il contemple son image, c'est comme une mélodie. Maman était constamment derrière moi à me surveiller. Mais le gospel est toujours un apaisement, un refuge. L'expression d'une fusion des âmes au-delà des apparences. Une musique sacrée qui envoûte la chair sans restriction. L'infinie passion, violente, et sa fragilité. Le souvenir du petit oiseau en cage, son chant perdu. Tout se passait si vite que je ne savais même plus où j'étais la veille et où je serai le lendemain. Elvis rencontre Tom Parker, alias le colonel Parker, un mentor, sa conscience aux mille visages. Jesse Garon conseille de s'en méfier. Sa personnalité s'est transférée sur la tienne, fondue avec la tienne. Le colonel Parker vient du cirque, les tours de passe-passe, l'illusion, la monstruosité qui fascine, le goût du merveilleux factice. Freaks and money, money and freaks. Le colonel Parker aime le monstre en Elvis. Il le voit déjà sous les satins excentriques et le maquillage. Le colonel Parker sait que le monstre en Elvis fera son enfer et son paradis. Dans sa jeunesse, Tom Parker avait fait toutes sortes de petits boulots. Peintre des moineaux en jaune pour les revendre au prix des Canaries, par exemple. Un talent pour l'artifice, la fascination. L'univers des marchés, des foires, le regard fixe, les paroles s'écoulent, subjuguent, fluides, sucrées. Et pendant ce temps, les mains abusent. Une dizaine d'années au cirque, parmi les éléphants, les fauves, les clowns, les jongleurs, les acrobates et les monstres. Parker, quant à lui, avait déjà de petits protégés au déhanchement lucratif. Des poulets qu'il faisait danser devant la foule conquise, généreuse. Le plancher de leur théâtre en miniature était en fait constitué de plaques chauffantes, les poulets dansant frénétiquement pour ne pas se brûler les pattes, dénués de l'esprit de révolte nécessaire pour dénouer leurs attaches, quitter la scène, baisser le rideau. Elvis incarne l'avènement de l'adolescence, de son accès au sexe et à la démesure. Soquette blanche, cheveux lâchés, les filles crient, hurlent. Le même bruit que 50 jets qui décollent en même temps. Home dog. Une explosion atomique d'émotions juvéniles. Meute exaltée, enragée. Elvis crée un âge entre l'enfance et le monde des adultes. Un âge révolté, rauque, survolté, sensuel. En quelques secondes, le plus gentil garçon du monde se transformait en fauve furieux, déhanché. C'était Jekyll et Hyde. Jesse Garon, Elvis, les enfants et la louve à la Cadillac rose. La fondation d'une nouvelle utopie, Praise Love. La colline aux rêves. Les concerts. The pelvis. L'apothéose. Dieu et le diable enfin réunis. Un nouvel âge d'or de platine, de strass. American Dream, de la pauvreté à la gloire, tout est possible. Un désir incarné. Meute d'avenir. C'est l'hystérie. Un nouvel âge d'or vénérant le masque de fer d'un frère, qui est un mythe. Celui de la rencontre de deux mondes. L'abolition du manichéisme sous mèche brune gominée, si sombre. Syncrétisme versus ségrégation. Utopie incarnée. Noir, blanc, blanc, noir. Sans savoir... Lorsqu'Hollywood appelle Elvis pour jouer dans Love Me Tender, ses producteurs ne s'attendent sans doute pas au déferlement de désespoir provoqué par la mort du héros Elvis. Il a fallu inventer une nouvelle fin. Révéler les cordes de l'artifice, ses codes. Décoller l'acteur du personnage. Et celui-ci de poursuivre sa route, guitare à la main. Mais la recette était trouvée. Coup de poing, jolie fille à conquérir, chanson pour un oui ou pour un non. Gladys contemple son fils, ses Cadillac roses, de légende, et pourtant à portée de main. La démesure. Une femme des collines du Mississippi à ses limites. Elle ne sait plus. Ce visage unique qui reflète tant de traits. L'écart. Elle s'épuise à contempler tout ce qu'elle a toujours souhaité, sans le comprendre. La promesse faite aux ancêtres, née de cette terre. Tes enfants auront tant de métal d'argent qu'en se regardant les uns les autres, ils paraîtront aussi éclatants que le soleil levant. Mais qui paie? Comment? De la pauvreté à une richesse inimaginable. L'image. American Dream. American Way of Life. Enfin, Hollywood dans son salon avec ses réussites, la communion des opposés et l'ombre de Faust. Qu'aurait été la vie de Jesse sans sa vie en Elvis? Maïs, patates douces, famille, routine, menu larcin. Une beauté rapidement ternie par des années de travail dans les champs de coton. Aujourd'hui, son fils est trop énorme pour elle. Elle s'étouffe à le regarder. Elvis dépasse tout. Gladys s'épuise à le contempler. Elle enfle, se répand, tente d'approcher sa mesure. Mais Elvis est une chimère. Elvis suscite et provoque de ses yeux innocents. Dieu et le diable enfin réunis. The pelvis, oui, mais bon citoyen, dit le colonel Parker. Il connaît les foules et les regards. L'Amérique tout entière n'a qu'un seul sujet de conversation, pendant que ses consommateurs engloutissent leurs œufs au bacon. The King. It's the king of what? I don't know. The king of what? I don't know either. Well, if he was a king, he must have been king of something important, huh? Yeah. Yeah, he must have been king of something important. But king the king of what? King of cares. Le visage et le masque. You think so? Fondu dans la même chair. American Dream. De la pauvreté à la gloire, tout est possible. L'homme qui a fait à lui seul une nation d'un monde en explosion atomique. Lorsqu'un petit matin clair de 1958, la télévision montre un coiffeur militaire rasant à la tondeuse électrique les cheveux les plus célèbres des États-Unis. La lame effleure la peau. Le regard est perdu, traqué. Hélas, Gladys est mortelle. L'Amérique lui enlève son fils. Gladys enfle. Enfle. Elle veut l'atteindre. Gladys étouffe, suffoque. Et pour finir, Gladys meurt. Elvis, dans les bras de son père, sanglote. Le visage dur sous la coupe réglementaire. L'uniforme. Amaigri, musclé. Quelque chose de cynique d'après la grâce. Le sourire est blessant pour l'objectif. Les regards qu'il contemple blessés. La souplesse du pas désabusé. Une Cadillac rose, orpheline. Souvenir dérisoire, mais promesse tenue. Elvis demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Il prie. Il pleure. Un autre fantôme qui s'insinue sous sa peau. Une nouvelle voix lancinante. La lame effleure, aiguë, le regard est perdu, traqué. Un super-héros démuni, brisé, et toute la compassion du monde. Tout s'est mort en moi, mes bons citoyens. Matricule, US 53 310 761. Départ pour l'Allemagne. Friedberg. Les petits matins clairs ne le sont plus vraiment. Beaucoup de jeunes filles en soquettes blanches traitées comme des poupées. Des frasques de l'exil. La mafia de Memphis a suivi. Les proches, vagues cousins, amis d'enfance, rustres et bagarreurs. Profusion d'armes. On ne se tue pas avec une guitare. Les chambres d'hôtel ravagées. Et Jesse. Gladys est morte. Il n'y a plus de reproches sérieux possibles. S'il m'arrivait de me défiler en douce, au retour, elle me collait une volée, avec une lanière de cuir. J'en étais arrivé à penser qu'elle ne m'aimait pas. Le colonel Parker est loin, et il aime le monstre en Elvis, l'ange obscène, le démon au regard pur, les 400 coups du mythe. Beaucoup de starlettes, quelques coups de feu tirés. Tu ne voudrais pas que je tue de pauvres oiseaux innocents? Home dog. Amphétamine militaire pour tenir au combat. Une meute d'avenir droguée, enragée. Profusion d'armes. Des jeunes filles en soquettes blanches défilent, très jeunes. Le souvenir du petit oiseau en cage. Son chant. Immaculé. Virée. Nuit parisienne. Vaisselle cassée. Facture payée. Amphétamine. Elvis épluche des patates comme les autres. Elvis monte la garde. Elvis est un bon soldat de l'Amérique. blanche colombe de l'aube. Morning Star. American Dream. American Way of Life. Dans la presse, des photos. Le négligé de la tenue de combat est parfait. L'uniforme de parade d'une classe absolue. Même le casque rudimentaire de manœuvre penche juste comme il faut. En écho à la célèbre moue d'Elvis. D'image en image, l'œil écarquillé. Elvis est le désir. Elvis est tous les regards. L'innocence des soquettes blanches des très jeunes filles. Tu n'oserais pas que je leur fasse du mal. Le fantôme de Gladys. La voix de Jessie. Quel est le blanc? Quel est le noir? L'œil ne scie pas. Les tombes sont ouvertes. Les tombes émettent leur lot d'histoires, de fantasmes. Les tombes sont son corps, sa voix. Permission et voyage. Une soquette blanche qu'on retire. Elle s'appelle Priscilla et son regard est timide, clair et profond, ses attaches fines. Elle ne sait pas encore qu'elle jouera dans Dallas un jour. Ni la souplesse travaillée des mèches châtaignes, ni les années de lassitude. Priscilla et Elvis deviennent inséparables au gré des permissions. Le GI de légende est sa tendre petite sœur. Il l'appelle Cilia. Son petit matin clair. Un rayon de soleil. Les commentaires fusent, acides, choqués. Le colonel fulmine. Priscilla a 14 ans, Elvis se défend, parle d'une sincère amitié respectueuse. Il gagne peu à peu la confiance de son beau-père. Elle dit que son désir attend toujours. Son corps. Un incendie. Elvis, éternel enfant, un peu voyeur. Le service est accompli, fin de l'exil, un retour solitaire. Un mouchoir agité dans un aéroport. Un mouchoir agité peut faire la couverture d'un magazine à gros tirage. Un mouchoir agité par une très jeune fille en soquette blanche. Et de longs cils. À son retour, le monde du cinéma l'accueille pour de nouvelles aventures. Toujours identique, Elvis cache son cœur désenchanté derrière un Hollywood bubblegum rose et bleu. Dégoulinant de sucre, de sourires et de bons sentiments. Hawaï et exotisme facile, le tout entrecoupé de chansons. La confiance lumineuse des années 60. Elvis et le soleil ne font qu'un. Les clichés, les vaillenets, les colliers de fleurs, un sourire figé. Affirmer le bonheur. Rictus de félicité tropicale. Il fait bien trop chaud. Les images sont ineptes, les coiffures trop parfaites. Le monde brûle, Hawaï reste ensoleillé. 1967. Elvis devient un jeune homme rangé. Priscilla a quitté la vieille Europe pour le nouveau monde. Elle y a laissé ses airs innocents pour devenir l'alter ego de son prétendant. La Lolita de Presley. Yeux lourdement relevés de kohl, dont le bleu devient magnétique, cheveux teints d'un noir bleuté de légende, coiffure choucroute crêpée à l'excès, baby doll surprotégée. Il veut la modeler trait pour trait, éco-strict, telle une poupée, femme-enfant. Il m'a tout appris. Comment m'habiller, comment marcher, comment me maquiller et me coiffer, comment me tenir en public, comment lui donner de l'amour. Au fil des années, il était devenu mon père, mon mari, et presque un dieu. Cilia épouse son roi à Las Vegas. 8 minutes chrono pour un mariage de légende. La pupille tremble un peu, flottante dans l'espace du cadrage. Peau blafarde, un peu joufflue, sous les coiffures d'un noir profond. L'étoffe immaculée se déroule en dentelle, jusqu'entre les doigts d'Elvis qui dit « Oui ». La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, désespère des âmes en peine. Enfin, la nuit de noces. Et comme dans les contes de fées, leur enfant, Lisa Marie, naît 9 mois plus tard. Une aube claire, pleine de promesses. Une nouvelle étoile dans la constellation Presley. Le tout en technicolor, savamment dosé. Entre deux éclats de rire, le regard d'Elvis se voile un peu. Il saute dans une de ses Cadillacs, direction la morgue de Memphis. Le gardien est un ami. Un fan. Dans le silence des nuits chaudes, il écarquille les yeux. Il faut voir les choses comme ça. De temps en temps, c'est la réalité dure et froide. Les strass, les flashs, les promesses. Se sentir aveugle. Son pas résonne dans les couloirs déserts. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des bébés, des blessures, des peaux violacées, des coups, le mystère d'un visage serein, d'une mort absurde. On comprend que tout peut s'arrêter à chaque minute. Le cadavre de Gladys colle à la peau d'Elvis, de l'intérieur. Les substances ne le chassent pas. La myriade chimique désarmée. Le cadavre de Gladys et la voix de Jesse. Souvent, il imagine le corps mort de son frère. C'est très identique au sien. Le désespoir de sa mère. C'est une foule. Gladys qui gonflait d'amour pour son fils. Baudruche sirupeuse. Le cadavre de Gladys colle à la peau d'Elvis. De l'intérieur. Carcan démesuré. Délétère. Il colle et vit sa vie. Pellicule malade, suintante, entre deux prédictions de Jesse. Quel est le bon? Quel est le mauvais? Quel est le blanc? Quel est le noir? Dans quel cauchemar discerner son enfer et son paradis? Wise men say. Only fools rush in, but I enflé, enflé, la moue désenchantée, Dieu et le diable enfin réunis. Un nouvel âge d'or, de platine, de strass. Un nouvel âge d'apparence, qui y croit? Les mystères sont factices, le colonel Parker le sait. Un désir incarné, son enfer et son paradis. Jusqu'à 2 concerts par jour, parfois plus. Un rythme infernal, tête à tête brûlant avec le public. Et l'image, la promesse. Toujours le cuir, puis les franges, un peu dérisoires. Les spectacles démesurés. Performance scénique. Blanc, immaculé, assorti d'une cape de super-héros. Des foulards multicolores parsèment la scène. Le public se désarrache. Elvis se fait maître en karaté, souverain aztèque. L'étoile à la croisée des croyances et des adorations. Et le culte se propage. Aloha from Hawaii. Chaud, flamboyant, à la gloire du King. Est retransmis par satellite à travers le monde. De continent en continent, les fidèles se bousculent au rendez-vous pour contempler l'avènement du mythe à travers sa sueur, ses paillettes, ses breloques, ses traits d'une beauté immuable malgré... À travers... Son humanité. Sa surhumanité. Le gage d'une promesse. La communion rock à tubes et à fleurs rassemble davantage de pupilles fascinées, de cœurs battants, que la mise en scène télévisée des premiers pas de l'homme sur la lune. Je somme Elvis qui bouffe à en crever. Les fans suivent. Le monde est rond comme un donut. Et l'Amérique est le trop. L'Amérique est l'opulence et tout c'est possible. Pourquoi ne pas l'incarner? Pourquoi ne pas l'incarner démesurément? L'intensité d'un mythe. Le héros traverse des épreuves, les surpasse, se bat. Le héros a 1000 visages, Son enveloppe est un reflet. Il faut regarder la réalité de temps en temps. La chair. Le dégoût. Fixer sans scier. Toucher. Palper. Mesurer. Il ne cesse d'avancer. Qu'incarne-t-il démesurément, si ce n'est nos faiblesses, nos overdoses, nos renoncements transcendés? Son enveloppe magnifie. Le héros est la grâce, sans condition. Nous et les étoiles. Gladys colle à la peau d'Elvis, de l'intérieur. Enflé. Enflé. Enflé l'enfer pour trouver son paradis. Il faut voir la réalité dure et froide de temps en temps. Son art était vulgaire et commun, clinquant. Les grands messes de Las Vegas. L'avènement de la spiritualité illuminée de strass, le tout saupoudré de pilules multicolores. Parker sait les foules, les regards. Les franges démultiplient l'enflure en voulant la masquer. Qu'importe. Elvis roi. Elvis empereur. Elvis dieu. Les petits matins clairs se sont assombris, jusqu'à n'être plus que succession de nuages sombres, menaçants. Quotidien sans consistance a provoqué toujours plus. Puis, les petits matins clairs ont disparu, tout comme Priscilla, et les autres avant elle, après elle. Elle s'appelait Morning Dove White, une vraie Cherokee. Avec une voix de noir, qui macule la blanche colombe. C'est ça, la Nouvelle-Amérique. Syncrétisme versus ségrégation égale dollar. Jackpot. Le monde est rond comme un donut, et chacun est interchangeable. Mais Gladys est morte. Elvis, le survivant. Gladys colle. Elle englue. Jesse crie. Le masque se décolle et arrache la chair. Lisa Marie est déjà trop loin. Elvis appelle au secours avec ses narines. Il a beau enfler, grossir, tout est toujours trop grand, trop vide. L'image. Se sentir aveugle. L'illusion. Peut-on être aussi mémorable? Je suis ma propre baudruche, mon propre Christ en croix. Je suis ma propre baudruche, ma poupée absurde, molle, vide, désemparée, trop de trop. Seul, au milieu de la foule, au trait interchangeable. Il avance, sans s'arrêter, vers un point. Le feu marche avec lui. La faille attirée comme par une flamme. Puis, mourir. Les grands rois meurent seuls. Les passants meurent seuls. Que reste-t-il? Qui reste-t-il? Jesse? Elvis? Quelle voix? Retrouver les petits matins clairs, la terre et ses promesses, une mélodie. Son enfer et son paradis. La blancheur dans l'obscurité. Le temps paraît sans prise. Tout est toujours trop loin. Déjà le matin. Thank you. CJ, mon Elvis. Le vrai est une légende sous copyright. Le vrai déambule ailleurs. Les vrais déambulent ailleurs. À Las Vegas, on croise Elvis Presley tous les jours. L'Amérique, le monde de tous les possibles. Il faut voir son rêve tiède et ouaté de temps en temps, s'y complaire. Elvis Presley est mort le 16 août 1977, dans sa résidence de Graceland, à Memphis, Tennessee. Elvis est mort et il vit. Il n'y a pas de dénouement. On peut le croiser tous les jours, plusieurs fois par jour à Las Vegas. En costume immaculé à franges, en cuir noir, en jumpsuit brodé, cap de super-héros, breloques, pieilleries, large ceinture, à pied, escorté, derrière des verres fumés ou en cadillac criante. Il est des centaines d'Elvis. Elvis à 20 ans, Elvis à 30 ans, Elvis à 40 ans. Des Elvis noirs, des Elvis nains, des Elvis femmes, des Elvis norvégiens. Ils arpentent les rues de Las Vegas, qui est le monde. Et le monde est Graceland. Aujourd'hui encore, au dire des fans en pèlerinage, Graceland répand toujours le parfum d'Elvis. Une odeur familière de chambres d'hôtel récemment nettoyées, clinique et sirupeuse à la fois, étourdissante. La caution olfactive d'un monde en marge du réel, baigné de flots pastels. Dans l'industrie mortuaire, on utilise des parfums de cannelle ou de cèdre synthétique pour cacher les relents de décomposition. Dessert ou promenade dans les bois. Toujours un après. C'est à nous d'imaginer. Le dernier moment d'un mois qui n'existe plus. Son odeur. À la fin, restent les verres. Toujours. Des myriades de verres affairés. De plus en plus nombreux. Exponentiels. Interchangeables. Sont-y de même. Ce sont eux qui débarrassent la scène et changent de décor. La réalité dure et froide. Un cycle, la révolution d'une montre, les hémisphères restent immobiles, côté cour, côté jardin. Les vers sont le continuum de cet univers aux façades identiques, aux milliards de citoyens Elvis, sans compter les produits dérivés. Cèdre ou cannelle, quelle destinée? Avant, pendant, après l'effluve, le flux persiste, en basse continue. L'argent, lui, n'a toujours pas d'odeur. C'était Fonction Elvis, de Laure Limongi. Adaptation, Cécile Baquès. Une création vocale orchestrée par Mathieu Boer. Avec Martin et Victor Sels, Marc Berman, Régine Ménoge-Sandre, Mathieu Boer, Richard Sandra, Emmanuel Vion et la voix de Laure Limongi. Musique originale, Sylvain Cartini, Lazare Bogossian. Équipe de réalisation, Rémi Fessard, Émilie Couette, Delphine Lemaire, Jacques Taroni. Fonction Elvis, de Laure Limongi, est publiée aux éditions Léo Cher.